Hey, I can't find nothing on the radio. La mécanique des ondes. Yo, turn to that station. Mécanique. La mécanique des ondes. La mécanique des ondes. Cécile Rondeau-Arnaud. Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier épisode de cette série de La mécanique des ondes. Le concept de l'émission, c'est de donner la parole aux grands de la bande FM. Qui sont-ils? Comment ont-ils commencé à la radio et quelle est leur vision du média radio actuellement, aujourd'hui? Aujourd'hui, je reçois Gaël Sanquer, directeur des antennes radio du groupe Énergie. Gaël Sanquer, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes au micro d'une radio associative. Est-ce que ça vous rappelle les souvenirs? Ça me rappelle mes débuts. Ouais, vous avez commencé où? J'ai commencé dans l'Aveyron. Je viens de l'Aveyron, je viens de Rodez. J'avais 12 ans. Et à l'époque, dans une ville comme Rodez, en gros 30 000 habitants, il y avait 6 ou 7 radios. Donc, au début des années 80, en 85, il y avait 6 ou 7 radios, évidemment que des radios associatives. Et j'ai découvert ça un peu par hasard. Une radio qui était dans mon quartier, dans le quartier où j'habitais. Une de mes voisines allait faire une émission le mercredi après-midi pour les enfants, comme ça se faisait souvent. Les radios étaient beaucoup moins formatées qu'aujourd'hui. Donc, sur une radio qui passait de la musique, on pouvait très bien trouver une émission de chansons françaises, une émission dédiée aux enfants. Voilà. Et je, par hasard, un mercredi, je l'ai accompagnée et j'ai rencontré l'amour de ma vie. C'était la passion de ma vie, la radio, le fait de pénétrer dans les studios. Alors c'était pas très professionnel, évidemment, c'était dans une cave, il n'y avait pas de fenêtre, c'était du tout petit matériel, voilà, c'était une radio qui n'avait pas énormément de moyens, c'était beaucoup moins professionnalisé que maintenant. Mais je sais pas, l'ambiance, l'odeur des lieux, des studios. Le fait que voilà, c'était magique, on parlait dans ce micro, on nous entendait partout, voilà, j'ai trouvé ça magique. Et donc j'avais 12 ans et je me suis juré ce jour-là que c'est le métier que je ferais, et j'ai tout fait pour faire ce métier. Alors évidemment je suis allé au-delà de ce que je pouvais imaginer dans mes rêves les plus fous, mais voilà, ça m'a pris tout petit. Ça a déterminé vos études? Oui, parce que donc en passant comme ça de radio en radio, à Rodez il y avait 6 ou 7 radios, j'ai dû passer un peu par chacune d'entre elles, et je me suis retrouvé un jour en émission où mon casque, le casque qu'on a sur la tête qui nous permet de nous écouter, était un peu dessoudé. Donc je suis allé dans l'atelier du technicien derrière, j'ai branché le fer à souder, j'ai ressoudé mon casque, tout ça, et je me suis dit, tiens, je vais faire des études d'électronique. Donc c'est pareil, j'avais à cette époque-là, je devais avoir 13 ans, donc j'étais en 5e au collège, on n'était pas encore vraiment déterminé, on n'avait pas encore déterminé quelle voie on allait choisir dans les études, mais moi je m'étais dit, je vais faire études électroniques, comme ça si je suis trop mauvais pour être animateur, eh ben au moins je travaillerai à la radio mais dans le service technique. Donc j'avais vraiment choisi les études que j'ai fait, et finalement j'ai fait des études électroniques. Ça, j'ai jamais fait d'électronique de ma vie, j'ai toujours fait que de la radio, mais je m'étais dit au moins j'aurais un bagage pour m'assurer une place dans une radio, quelle qu'elle soit et à n'importe quel poste que ce soit. Donc après cette radio locale où vous aviez 12 ans, je suppose que vous êtes peut-être passé dans d'autres radios, toujours au niveau local ensuite. Ouais, j'ai fait en gros 10 ans de radio locale puisque je menais mes études en parallèle, et ça je remercie mes parents qui m'ont toujours poussé et qui m'ont toujours dit non, si tu continues le plus loin possible. Donc voilà, j'ai fait un bac, j'ai fait un BTS, j'ai après fait une licence, et ainsi de suite, en passant comme ça. Donc j'allais à la radio les week-ends, les jours fériés, les vacances scolaires, les soirées. Tout votre temps libre. Voilà, tout mon temps libre était passé, voilà, je le passais dans la radio. Ouais. Et vous étiez animateur? Animateur, oui. Ouais, ouais. Ça veut dire donc 10 ans de radio locale jusqu'en 96 où vous arrivez à Fun Radio. J'arrive à Paris, ouais. Donc, comment ça s'est fait? Ça s'est fait assez simplement. J'étais animateur sur une radio locale de Fun, dans l'Aveyron, à Rodez. Et j'envoyais souvent mes cassettes à Paris, à la tête de réseau, comme ça. Et puis un jour, Difool, qui était le directeur d'antenne de Fun à l'époque, en 96, m'a appelé chez moi, appelé chez mes parents, parce que j'habitais encore chez mes parents. Il m'a dit, non, ça ne te dirait pas de venir à Paris? Putain, voilà, C'était voilà. Pour moi, j'avais 22 ans, 23 ans. C'était l'aboutissement de ma carrière et tout ça. Et donc, voilà, j'ai débarqué pour la première fois de ma vie à Paris. J'ai pris le train, train Corail, 7 heures de train, Rodez-Paris, 7 heures de train. C'est toujours comme ça, hein, c'est très enclavé l'Aveyron. Et voilà, j'ai débarqué. À l'époque, les studios étaient à Neuilly-sur-Seine. Et c'était magique parce que c'était encore une cave. Parce qu'à l'époque, les studios de Fun, c'était les anciens studios Barclay, donc dans une cave sous un immeuble et tout. C'était la magie de se retrouver derrière le micro et de parler partout en France. Mes parents n'ont jamais vraiment compris, puisque je faisais le programme local de Fun à Rodez, donc on m'entendait sur Fun à Rodez. Mais pourquoi t'es obligé d'aller à Paris maintenant, puisqu'on t'entend toujours sur Fun à Rodez? Donc, j'ai jamais essayé de leur expliquer les concepts de décrochage locaux, nationaux, machin. Ils ont jamais vraiment compris pourquoi, mais bon. Je pense qu'aujourd'hui, ils voient que je suis heureux, que je m'amuse. C'est essentiel, ils sont contents. Ouais. Vous rencontrez quelqu'un qui va être très présent dans votre vie à la suite, ce sera Morgan Serrano. Oui. Alors, comment se déroule cette rencontre? Comment ça se passe? C'est très marrant parce que c'est presque... Cette rencontre était surprenante puisque il est arrivé sur Fun un an après moi et souvent la nuit sur Fun, les animateurs démarraient comme ça, faisaient leurs premières émissions et c'était un été et moi je faisais le morning à cette époque, enfin en remplacement, voilà. Donc j'arrive à 5h30 à la radio, je vois un petit mec derrière le micro, mais comme souvent dans les radios il y a toujours des gens, c'est pas ce qu'ils font là. J'avais pas compris que c'était l'animateur qui faisait la tranche, je savais pas que cette nuit là il y avait un essai, parce que d'habitude c'était non-stop et il y avait un réa, et puis d'un coup je vois le gars parler, tu fais un test, tout ça, voilà, et on a commencé à parler, on a commencé à se rendre compte que on avait un peu la même vision de la radio, la même vision de ce que devait être une radio moderne, de la façon dont ça devait sonner, peut-être pas la même façon de savoir comment il fallait la faire, mais la même vision de ce que la façon dont elle devait sonner, voilà. Après on avait des personnalités très très différentes, mais on s'est assez vite entendu pendant une ou deux saisons. On s'est partagé les week-ends, en gros. Moi je faisais le matin, il prenait après moi, je reprenais après lui, il reprenait après moi, ainsi de suite. On se partageait les week-ends comme ça tous les deux, et voilà, on s'est assez rapidement entendu, ça fait 15 ans que ça dure, 17 ans, je sais plus. Ouais. J'ai arrêté de compter comme un vieux coup. vous êtes passé d'animateur à coordinateur d'antenne à Fun, ouais. Radio. Comment on passe de devant le micro à derrière? J'ai vite compris. J'étais un animateur juste correct. J'ai vite compris que je ne deviendrais jamais Arthur, Coé, Difool, et que j'avais le talent ou le potentiel pour devenir un animateur vedette, un animateur star. J'étais un animateur juste, voilà, correct. Et je me suis rendu compte que l'enjeu à côté de l'antenne, en dehors de l'antenne, derrière, était tout aussi important, voire plus. Savoir concevoir une stratégie pour une radio, savoir mettre en place une grille des programmes, savoir tout ce que je fais aujourd'hui, savoir travailler avec des consultants, savoir parler anglais, savoir manager une équipe, savoir tout ça, c'était au final très peu de gens qui savaient le faire, et c'est tout aussi important, sinon plus, que d'être derrière le micro. Et donc j'ai longtemps fait les deux, petit à petit, voilà, je continue à être animateur, puis j'ai pris des responsabilités, on m'a confié des responsabilités, et puis j'ai appris un peu les arcanes du métier, j'ai appris à être manager, j'ai appris à manager une équipe, j'ai appris à parler en public, j'ai appris à parler anglais, j'ai appris tout ça et à un moment il a fallu faire un choix, voilà, j'avais 35 ans. Je me suis dit, est-ce que je vais continuer longtemps derrière le micro? Non, voilà. Donc j'ai dit stop. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je me suis amusé. J'ai fait des heures et des heures d'antenne sur toutes les tranches horaires et tout ça. Et je me suis dit, bon, maintenant, fini de rigoler. L'adrénaline du micro ne manque pas? Non. Pas du tout? Non. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. D'accord. Je pense que, voilà, souvent on me pose la question, effectivement, mais non, je pense que, franchement, j'ai beaucoup de plaisir toujours à écouter la radio, à la concevoir et tout ça, mais parler derrière le micro, non. Je pense que c'est ça fait partie de ma jeunesse. Ensuite, vous passez donc directeur d'antenne de Fun Radio. Responsable d'antenne. Morgane était directeur d'antenne, j'étais responsable d'antenne. Moi, on se partageait le truc comme ça, ouais. Et ensuite, vous changez de radio pour passer chez Virgin. Le problème d'une radio qui marche, c'est quand on est dirigeant, on s'ennuie. C'est assez bête N'allez à dire. N'allez pas trop vite, ça va être une question après, Gaël Sancerre. Le problème, c'est que voilà, on a vécu un truc incroyable avec Fun, qui était un peu voilà, qui était à fin 2005, qui était un peu voilà, un mauvais état, un peu planté, avec une promesse produit pas très claire et tout ça. On s'est dit, on va faire une radio dance. On va jouer vraiment de la dance. Et 2 ans après, la radio faisait 7,5 points. Une radio qui marche, voilà, c'est une espèce de routine, puisque ça se construit dans la durée, on met en place des habitudes, les auditeurs sont sensibles à ces habitudes et commencent à consommer la radio parce que ces habitudes sont en place et tout ça. Et donc, il faut surtout bouger un minimum de choses. Donc, on fait avancer la programmation musicale, on fait avancer la playlist, on fait avancer toutes les opérations antennes, on travaille sur la marque, sur le marketing et tout ça. Mais une fois que c'est sur les rails, au quotidien, il n'y a plus l'excitation, l'adrénaline du chantier à mettre en place, du gros œuvre pour faire avancer la machine. Une fois que la machine est lancée, bah, une radio, voilà, c'est sur les rails et ça ne bouge plus. Ça peut rester 10 ans, 15 ans, 20 ans sans bouger. Et on a des exemples récents avec la remontée d'RMC qui a mis en place un format talk assez révolutionnaire il y a 10 ans et qui depuis voilà ne cesse de monter et ils font des petits ajustements par petites touches chaque saison mais ce ne sont que des petits ajustements, ce ne sont que des petites touches parce que les auditeurs ont leurs habitudes, parce que les auditeurs sont fidèles à cet esprit, à ce produit, à ce programme. Et je pense que effectivement le directeur d'antenne d'RMC doit s'ennuyer. On lui demandera, vous inquiétez pas. C'est prévu dans la suite. Je le connais bien et bon, après je sais qu'par ailleurs il est occupé à beaucoup de choses, mais ouais. Donc à un moment à Fun, je me suis dit j'ai fait le tour. On travaillait déjà sur le déjà début août, on travaillait sur l'opération du 31 décembre qui allait venir. C'était la troisième ou quatrième fois qu'on faisait cette opération. C'était rodé. Sur le partenariat de l'opération machin. C'était voilà, il y avait une espèce de routine qui s'était mise en place et je suis allé voir Morgane. Je lui ai dit écoute, le truc est fait, c'est super, j'ai une équipe que j'adore, on s'est vachement bien amusé, mais voilà, j'ai envie de me confronter de nouveau à un nouveau challenge, à une nouvelle difficulté, à un nouveau truc. J'ai 2-3 propositions, c'est le moment de bouger, c'est le moment d'y aller. Fun est sur les rails, on a mis en place une jolie radio, il n'y a plus qu'à. Mais moi, voilà, au quotidien, je m'ennuie, j'ai envie d'autre chose. Donc voilà. Donc vous partez sur Virgin. Donc j'ai choisi. J'avais déjà une proposition d'énergie, mais à cette époque-là, ça me faisait un peu peur parce que l'énergie, ça paraissait de loin comme la grosse multinationale, machin, avec des directeurs qui valsent tous les 4 matins. Et je me suis dit, oh, c'est pas pour moi, c'est trop gros, c'est pas. Non. Et je me suis dit, Virgin, c'est bien, ça vient d'arriver, une nouvelle marque et tout ça. Et ça a été ma pire expérience professionnelle. Oui, parce que vous n'y êtes resté qu'un an. Même pas un an. Ouais. Ouais. Et voilà. Mais ça vous a enrichi? Ça m'a enrichi. Alors, je n'ai pas appris beaucoup de choses en radio, mais j'ai appris à parler en public. C'est assez important. J'étais plutôt timide et plutôt réservé. Paradoxalement, puisqu'étant animateur radio, mais quand on est animateur radio, on est tout seul dans son studio, on ne voit personne. Donc, prise de parole en public, je savais pas bien faire ça. J'ai appris ça là-bas. J'ai appris à gérer un peu les relations sociales avec les salariés, les syndicats, les représentants du personnel, tout ça. Une autre dimension. Voilà, une autre dimension. Mais en radio, je me suis vite rendu compte que j'allais pas y arriver. Que cette radio était très compliqué, même si ça faisait à l'époque plus d'audience qu'aujourd'hui, ça faisait au-dessus de 5 points. Je me suis vite rendu compte que j'allais m'ennuyer. Et puis on s'est reparlé avec Morgane, il m'a dit dis donc, j'ai une proposition de Jean-Paul Bodecrou. Et puis de l'autre côté, Jean-Paul Bodecrou qui m'appelle, dis donc, ça vous dirait de retravailler énergie avec Morgane, tout ça. J'ai dit, allez, hop, on y va. Rappelez Jean-Paul Gobeau-Decroux, qui était-il? Il est toujours le PDG fondateur d'Energie. Énergie. Avant de continuer, Gaël Sancar, je vous propose une petite pause musicale et je vais vous laisser deviner la langue de cette pause musicale. Tänään puhutaan ainakin siitä, että mitä ihmiset tekee silloin kotona, kun kukaan ei näe. Ahaa, mitä te teette? Haluan tietää nyt tänne, että mitä sä askartelet itsesi kanssa. No, oliko tämä jotenkin johdat musiikin? Ihan... Hienoa. Pitbullin Wild Wild Love, Katy Perry jälkeen tässä on Dark Horse. Sille. Yeah, y'all know what it is. Katy Perry, Juicy J. There's no going back. Energy. Hit music only. All this wild, wild love of ours, it can't be tamed. All this wild, wild love of ours, it can't be tamed. Or for better or worse, a blessing or a curse. Long live this wild, wild love. Energy. Suomen hittiasema numero yksi. Moi, tässä My First Bandista Antti. Ja tässä Heikki. Ja Energyhän on tietenkin meidänkin radiokanava. I don't know. Energy. Enemmän hittejä. Kaikki Energyltä. Energyn iltapäivän sinulle tarjoaa Rovaniemen kesäpassi. Alors, énergie, cette énergie-là est apparue en 1995, je vous donne un indice. J'hésite entre... Non, alors ça doit être la Bulgarie. Non, c'est la Finlande. La Finlande? Oui. Ah, d'accord, j'hésitais entre... Ouais, je savais que c'était quelque chose très à l'est. Eh bien, c'est très au nord. Et finalement, oui, c'est très au nord. Oui, c'est un langage qui se... dans les sonorités qui se rapproche évidemment beaucoup du russe. Donc, je pensais que c'était... Et j'ai pas d'excuses, puisque j'étais à Helsinki, en Finlande, il y a 2 mois. Je voulais retourner avant la fin du mois de juin. Et voilà, bon, je parle pas du tout finlandais, hein, désolé. Après l'anglais, peut-être le finlandais et les langues scandinaves, Non, je crois pas que ce soit le... Je comprends un peu l'allemand, je le parle pas très bien, mais je comprends un peu l'allemand. Mais non, le finlandais, non, j'ai beaucoup de mal. Vous arrivez donc en décembre 2010 à la direction des antennes radio de Énergie. Là, par contre, vous avez accepté la proposition de Jean-Paul Bodecroux, oui. Et ça ne vous faisait plus peur. Ça me faisait plus peur puisqu'on y allait à deux avec Morgane, que j'avais déjà ces années d'expérience professionnelle avec lui, que voilà, on a eu un certain nombre de garanties. Les premières propositions que j'avais eues à l'époque d'Énergie, c'était pas direct, elles émanaient pas directement de Jean-Paul Bodecroux, elles émanaient des directeurs qui se sont succédés à la tête d'Énergie. J'ai rencontré donc le personnage qui est presque aujourd'hui une légende, mais voilà, donc et on s'est voilà, on s'est tout de suite bien entendu. Le projet était simple, il nous a dit je veux qu'Énergie redevienne première radio de France. Voilà, le brief était quand même assez clair. On vous met quand même pas mal la pression dès le début. La pression, non, enfin voilà, le challenge est excitant, quoi. À l'époque, Énergie était quatrième. Et le brief était simple. Il me dit, je vous mets les moyens dont vous avez besoin à disposition, allez-y. Je vous donne les clés, allez-y. Et donc ces moyens, c'était quoi? Et vos objectifs que vous vous êtes fixés du coup avec Morgane, quels étaient-ils? Un petit peu de moyens sur le marketing antenne, sur la recherche qu'on fait sur la musique. Alors, on a tout un tas d'outils qui nous permettent d'apprécier la musique et de voir comment les auditeurs apprécient la musique. Comment les auditeurs apprécient tel ou tel titre que nous diffusons, ça fait partie de nos petits secrets. Mais c'était important d'avoir des moyens là-dessus, des moyens sur le marketing antenne, sur l'habillage, avoir quelque chose d'un peu frais, d'avoir quelque chose d'un peu qu'on puisse renouveler souvent, d'avoir de bons animateurs, d'avoir c'est des détails, après c'est très technique, d'avoir un bon traitement de son. La qualité du son. La qualité du son, voilà, c'est des investissements techniques, mais c'est important d'avoir une radio qui sonne moderne dans chaque étape de sa conception. Donc voilà, ça fait partie des choses qu'on a expliquées, qu'on a demandé à Jean-Paul et qui nous a dit, OK, allez-y. Il y a toujours des ajustements, je suppose, à faire. Vous n'avez pas... Constamment. Voilà, vous n'avez pas eu bon dès le départ. Non, constamment. On a commencé à travailler d'abord sur la musique, évidemment, c'est une radio musicale. Donc tout découle de la musique. Ensuite, on a travaillé sur le morning. On a fait venir Manu Lévy, avec qui on avait travaillé par ailleurs à Fun. On a mis Coé le soir, etc. Puis on a construit petit à petit. On a travaillé sur la marque, on a travaillé sur les événements, on a travaillé sur le terrain, le local, puisque Énergie, il y a 50 stations locales réparties sur tout le territoire qu'il faut alimenter, il faut créer des événements, il faut créer une présence terrain, etc. Briefer les équipes, briefer les animateurs, leur redonner. La première chose qu'on a commencé à faire, c'est leur redonner de la fierté. Vous faites partie d'une belle maison, d'une radio qui a été pionnière en France, vous faites partie d'une vraiment belle maison, soyez-en fiers. Lorsque vous êtes au micro, soyez fiers, soyez heureux d'être là, mesurez la chance que vous avez d'être derrière ce micro-là. Et voilà, petit à petit, une succession d'infimes détails comme ça, mis bout à bout, qui font que petit à petit, la radio commence à sonner, puis commence à récupérer un peu de l'audience. Des auditeurs commencent à adhérer petit à petit au programme, se retrouvent dans la musique qu'on diffuse, se retrouvent dans le ton des animateurs, dans ce qu'ils racontent, et voilà. Jusqu'au mardi 17 juillet 2012, où vous devenez la première radio de France avec 11,6 d'audience cumulée. Alors ça, ce chiffre-là ne parle pas vraiment, mais ça veut dire 6 159 000 auditeurs. J'ai envie d'avoir votre sentiment, si vous en souvenez encore, et je suppose que vous en souvenez. Ouais, j'ai pas dormi deux jours avant, puisqu'on savait pas si... On le sait le mardi matin à 8h lorsque c'est publié. Mais jusqu'au mardi matin à 8h, évidemment, on connaît notre chiffre, on connaît pas le chiffre des concurrents. Donc évidemment, la bataille se faisant avec RTL, on savait pas si RTL était devant ou derrière et tout ça. Donc voilà, quand on est passionné par ce métier, évidemment, c'est un moment incroyable à vivre. Et j'en ai pas dormi pendant deux jours, mais vraiment pas dormi. J'étais tellement excité. Je suis arrivé à la radio à 7h30 le matin à attendre les chiffres et tout ça. Puis quand on voit le chiffre apparaître et tout ça, qu'on dit ah, on est numéro 1, on est arrivé. Je dis pas que c'est l'aboutissement de parce qu'il y a encore plein de choses à faire, plein de choses à construire, mais c'est très fort, c'est super intense, quoi. Vous l'avez partagé avec Morgane Serrano, forcément. On partage le même bureau, on a le même bureau à 2 mètres, voilà. Donc c'est incroyable, quoi. Ça a dû faire beaucoup de bruit en fait ce matin-là. Donc ça fait 2 ans que vous êtes numéro 1. Alors il y a une part non, parce qu'il y a la vague d'après, RTL est repassé devant pendant quelques vagues, et puis là depuis maintenant ça fait presque, ça fait quasiment un an qu'on est numéro 1 de manière continue. Moi, j'ai envie de vous demander, à l'heure de YouTube et Spotify, pourquoi écouter Énergie ? Parce que je pense que la radio, contrairement à toutes les plateformes numériques, alors que ce soit YouTube, Spotify, tout ça, la radio transmet de l'humain. Ce que ne pourra jamais faire YouTube, Spotify, Deezer, etc. La radio parle à l'intime. La radio, on l'écoute seul, on l'écoute rarement à plusieurs. Quand on est plusieurs dans une pièce, il y a la radio, on l'entend, on l'écoute pas. La radio, on est attentif quand on est seul. La radio permet de transmettre des émotions, de l'humain, une chaleur, une présence que ne transmettront jamais ces plateformes un peu froides et tout ça. Sur une radio, les programmes sont incarnés, donc on connaît les grandes voix de toutes les radios, on connaît les grandes voix de RTL, Monsieur Bouvard qui est symbolique de quelque chose. Chez nous, c'est Coé, c'est Manu. Chez Skyrock, c'est Difool. C'est des personnalités, c'est des personnages qui vraiment incarnent ces programmes et qui permettent aux auditeurs de s'attacher, d'adhérer au discours et tout ça. Ce que ne pourront jamais apporter Deezer et Spotify, quoi. Au-delà de l'antenne en France, votre objectif est également de développer les radios au niveau européen. Vous installez des antennes énergie un petit peu partout. Comment vous travaillez ça? C'est-à-dire qu'il vous faut connaître les paysages radio de chaque pays que vous voulez conquérir, entre guillemets. Oui, absolument. On a des équipes sur place, évidemment. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Il y a le cas de figure aujourd'hui comme l'Allemagne, où le groupe Énergie est propriétaire à 100% des fréquences et du capital de la radio là-bas. Et puis, il y a d'autres... Le deuxième cas de figure, c'est une franchise. C'est-à-dire que c'est un opérateur local qui prend la franchise, qui prend la marque, exploite la marque Énergie. C'est le cas, par exemple, en Russie ou au Canada. Donc, ce sont généralement des opérateurs locaux qui connaissent évidemment leur propre paysage local et qui ont compris que pour avoir un produit efficace, il fallait avoir aussi une marque puissante. Une marque puissante pouvait les aider à se développer et qui choisissent Énergie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, on est présent au Canada, en Russie, ce sont les deux plus gros territoires. Ensuite, en Allemagne, surtout les pays nordiques, la Suisse, la Finlande, l'Autriche aussi, la Belgique. J'en oublie certainement, mais il y en a 12 ou 13. La mécanique des ondes. Quelle radio vous réveille le matin? Toutes. Il va falloir resserrer. Non, mais c'est vrai. J'ai 25 présélections sur ma chaîne. Je les écoute toutes. Et quelle radio vous endort le soir? J'écoute rarement la radio le soir. Un endroit où vous écoutez toujours la radio? La voiture. Un endroit où vous ne l'écoutez jamais? Les toilettes. Votre meilleur souvenir de radio, s'il y en avait un seul à choisir? Le jour où Énergie est repassée première radio de France. Votre pire souvenir? Le jour où une radio sur laquelle je travaillais, qui s'appelait Radio Rodez, a fait faillite. Un seul conseil à donner à ceux et celles qui veulent consacrer leur avenir aux médias radio qu'ils aient commencé ou qu'ils aient peut-être envie? Soyez persévérants. Et acceptez tous les challenges, je crois que c'est la leçon de Gaël Sanquer. Le prochain invité confirmé est Jean-Yves Hautemul, directeur d'antenne de RTL. Je le connais bien. Une question à lui poser. Jean-Yves, que va devenir Philippe Bouvard? Quelle émission allez-vous lui proposer l'année prochaine sur la grille d'RTL? Merci beaucoup à vous d'avoir accepté cette invitation du premier épisode. Vous amorcez la série de la mécanique des ondes. Merci à vous. Eh bien, on vous retrouve. C'est notre voisin de la bande FM quand même. Nous, on est sur le 100.7 et Énergie, la nouvelle radio jeune, elle est sur le 100.3. Merci beaucoup, Gaël Sanquer. Merci.